Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. La porcelaine de Sèvres a retenu aujourd'hui l'attention de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est le moment rêvé pour parler de Sèvres et de sa porcelaine. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et pour nous en parler, j'ai invité un des plus grands spécialistes du sujet, l'historien et romancier Jean-Paul Desprats. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Laurent sur l'origine de l'expression « en l'an de grâce ». Eh bien oui, nous serons très bientôt en l'an de grâce 2015. Mmh. En attendant, et pour le moment, je vous propose d'évoquer une des productions humaines les plus raffinées de tous les temps. Europe 1, au cœur de l'histoire. Ferrand. Autrefois, à la fin du règne de Louis XV et pendant tout le règne de Louis XVI, cette semaine qui précède le Nouvel An était la semaine de la porcelaine. À Versailles, dans la nouvelle salle à manger du roi qui avait été entièrement aménagée au bout de son appartement intérieur et qu'on appelle du reste la salle à manger des porcelaines, on présentait les dernières créations de la manufacture royale pendant cette période de la fin de l'année. C'était en quelque sorte le moment des étrennes. Imaginez sortant des caisses et des boîtes de la manufacture royale, des services à perdre la tête, des pièces de forme, ces statuettes blanches et mat qu'on appelle les biscuits et qui représentaient, souvent en réduction d'ailleurs, toutes sortes de sculptures fameuses de cette époque. Le roi, la reine, la famille royale, tout le monde mettait la main à la pâte. Il faut imaginer le grand déballage de tous ces trésors fragiles dans un grand concours de paille et de papier de soie qui finissait sur les parquets du château. On s'extasiait, on admirait les merveilles de Sèvres et l'on était en même temps très fier. Vous voyez cette merveilleuse petite tasse que la reine est en train de faire passer de main en main et sur laquelle tout le monde s'extasie. Quand je dis qu'on s'extasie, on admire sa légèreté, car évidemment c'est un des attributs de la porcelaine que d'être incroyablement légère. On admire également sa dureté, sa luisance, sa transparence lorsqu'on la présente devant une source lumineuse. On pourrait presque voir au travers et lorsque vous passez vos doigts le long de la paroi de la tasse, vous voyez votre doigt se dessiner par transparence, c'est extraordinaire. Et puis, la sonorité aussi. Donnez un petit coup d'ongle sur la tasse et vous allez l'entendre littéralement chanter. Eh bien, cette merveille de finesse, de légèreté, de dureté, de transparence et de jolie sonorité, cette merveille, c'est l'aboutissement de toute une longue histoire. Pour un peu, je dirais même que c'est l'aboutissement d'une véritable conquête. Tout à l'heure, avec Jean-Paul Desprats, nous allons évoquer le long cheminement du secret de la porcelaine, depuis la Chine jusqu'en Europe, et puis en Europe, de la Saxe jusqu'en France, en passant par Strasbourg. Nous allons revenir sur la découverte de cette poudre de kaolin dont les Chinois avaient pendant des siècles tenu le secret. On va découvrir également la manière d'aller d'une porcelaine tendre, d'une porcelaine un peu grossière, vers cette porcelaine dure, une porcelaine de plus en plus blanche également. Et la question de la blancheur va littéralement fasciner des générations de manufacteurs. Voilà ce que nous dit Antoinette Faye-Allé, qui est conservateur au Musée national de la céramique, donc à la manufacture de Sèvres, où je vous conseille d'ailleurs de vous rendre. Nous avions fait une émission il y a quelques années dans les ateliers de cette manufacture, c'est tout à fait passionnant à visiter. Ça se visite notamment au moment des Journées du patrimoine. De ses origines au XVIIIe siècle, nous dit Antoinette Faye-Allé, de ses origines au XVIIIe siècle, l'histoire de la céramique européenne tout entière pourrait être considérée comme la longue recherche entreprise par l'Occident pour fabriquer de la porcelaine chinoise. L'anglais qui désignait par le terme « China » toute catégorie de porcelaine traduit bien cette fascination. Les « Chinas », ce sont d'une manière plus générale les jolies faïences en Angleterre, eh bien ce sont effectivement les produits au départ venant de Chine. Et si la Chine a eu pendant le courant du XVIIe et du XVIIIe siècle, l'extraordinaire rayonnement que l'on sait dans le monde des arts et notamment des arts décoratifs, c'est en grande partie à ce secret de la porcelaine qu'elle le doit. On parlait beaucoup de porcelaine, vous savez, c'était le grand sujet au XVIIIe siècle. Jean-Paul Desprats prête dans son ouvrage « Bleu de Sèvres », il prête ses mots à Marmontel en parlant de la porcelaine, alors que n'a pas encore été découvert le gisement principal de kaolin dans le Limousin, qui va faire par la suite de Limoges la grande ville de la porcelaine en France. C'est le sujet du jour, serait censé être écrire Marmontel. Celui qui fait rêver pêle-mêle les princes d'Europe épris de gloire, les esthètes fascinés par l'incomparable beauté des objets venus d'Orient et les savants acharnés à percer les secrets d'un matériau dont seuls les Allemands de Meissen, il n'est pas si longtemps, ont su démêler l'arcane. Matériau sublime, ajoute-t-il, qui donne l'idée de la beauté dans ce qu'elle a de plus rare et de plus insaisissable. Et ça, peut-être, ça explique la fascination non seulement des manufacteurs, des amateurs, des esthètes, du roi, de la reine, des grands collectionneurs, mais la fascination quasi politique exercée par cette porcelaine. Les biens très luxueux, les objets qui témoignent d'une très grande richesse et d'un savoir-faire incomparable ont toujours joué un rôle important sur un plan politique. Je voyais l'autre soir une émission concernant le caviar et l'on montrait à quel point, aujourd'hui encore, à l'heure où je vous parle en 2014, les circuits du caviar sont un enjeu politique très important entre l'Iran, la Russie et les différents pays producteurs, y compris la France, puisque maintenant nous en produisons. Eh bien, un peu de la même manière, mais d'une façon autrement aiguë, autrement dure, le commerce de la porcelaine a joué au XVIIIe siècle et encore au XIXe siècle un rôle tout à fait essentiel. C'était un enjeu, c'était un horizon. Ce produit extraordinaire fascinait littéralement nos ancêtres. Oh, Le duo des fleurs de l'Acmé de Léo Delibes. Revenons à la porcelaine avec vous, Franck Ferrand. Lorsqu'on parle de porcelaine, est-ce qu'on est dans le domaine de l'art ou dans celui de l'artisanat? Les gestes du tourneur, du potier, si je puis dire, sont à peu près les mêmes depuis la plus haute antiquité. Vous savez que on trouve sur les fresques de monuments funéraires de l'Égypte un certain nombre de références à ce métier extrêmement ancien. On voit nos très lointains ancêtres en train de tourner les premières poteries. Et vous savez jusqu'où la Grèce antique va hisser cet art extraordinaire de la céramique, avec tous ces magnifiques objets de céramique qui plaide pour le raffinement de la civilisation hellénique. Eh bien, au XVIIe et au XVIIIe siècle, on va retrouver en quelque sorte ces gestes, on va se battre de nouveau pour hisser la céramique à de très grandes hauteurs. Dans Bleu de Sèvres, voici ce que nous raconte le héros Anselme qui visite la manufacture, le grand atelier. Je cite « Le tourneur ou ébaucheur travaillait sur le tour qu'il manœuvrait au pied sans aucun outil, posant sa terre sur une estèque, petite planche de bois ou d'ardoise qui marquait le gabarit des pièces. » Et un peu plus loin, il est toujours en train de visiter, les yeux littéralement écarquillés, ce qui est l'épicentre de la production de porcelaine en Europe à l'époque. « La tâche des tournasseurs consistait à reprendre ces pièces à demi séchées jusqu'à atteindre les cotes désirées. Lorsqu'il ressortait de ce second traitement, les plats, les vases, tout ce que l'on avait passé sur le tour et livré aux lames des tournasseurs ne représentait plus que le tiers du poids des galettes et des colombins d'origine. » Dans le même atelier, Anselme découvre mouleurs et répareurs. Ceux qui travaillaient là représentaient l'élite de Sèvres. Leur nom était connu de tous les amateurs. Ils s'appelaient Chanou, Patrouillot, Delpierre, Taraval, Blondeau, Vandeville, Duru, Larue, Blanchard, Perrotin, Furet, Le Riche, nous raconte Jean-Paul Desprats. Alors, tout à l'heure avec lui, nous verrons comment est née la manufacture de Sèvres, par quelles difficultés sont passés ceux qui l'ont créée. Ce que j'aimerais avec vous voir maintenant, c'est quelles sont les grandes étapes. Alors, on a cette première étape, on façonne l'objet, bien entendu. Ensuite, il faut le cuire. Ça, c'est une étape extrêmement délicate. Les pièces façonnées vont arriver au four. Alors, vous savez qu'autrefois, les potiers grecs cuisaient leurs vases dans des fours bas de forme. C'était des procédés qui étaient vraiment très rudimentaires. Tous ces procédés se sont peu à peu perfectionnés. On a fabriqué des fours qui permettaient d'atteindre des chaleurs de plus en plus extraordinaires, de les maintenir, de les surveiller, de les contrôler pendant la cuisson. L'atelier de cuisson, on peut dire que c'est là que ce qui au départ est de la terre, alors on verra tout à l'heure de quelle terre il s'agit, mais c'est là que ce qui au départ est de la terre devient littéralement porcelaine. C'est le lieu où s'accomplit le miracle, nous dit Jean-Paul Desprats. C'est en quelque sorte le lieu de la transfiguration. Entre la première cuisson, qu'on appelle la cuisson de dégourdi, et la seconde, qui est la cuisson de grand feu, eh bien, on trempe l'objet dans une cuve à émail. Prenons une petite tasse de Sèvres, par exemple. Eh bien, il a fallu dans un premier temps construire les gabarits, il a fallu établir son dessin. Ensuite, on l'a tourné pour réaliser l'objet lui-même qui a été peaufiné, raffiné par des artistes potiers d'une très très grande dextérité. Ensuite, il y a eu cette première cuisson dégourdie, puis cette deuxième cuisson de grand feu, et entre les deux, on l'a donc trempé dans une cuve à émail. Cet émail, il est fondu par la chaleur et c'est lui qui va donner ce qu'on appelle la couverte, hein, ce qui va donner à la porcelaine son brillant et une part de sa transparence. Une fois qu'on a cette petite tasse qui maintenant est une tasse de porcelaine, eh bien, il va falloir la décorer, il va falloir l'orner. Alors, on met ce mince filet d'or en bordure. Il n'est pas question du tout à Sèvres, en tout cas à l'époque, de laisser sortir une tasse toute blanche, bien entendu. Cette espèce de blanc de Sèvres, hein, d'ailleurs, qui est un blanc laiteux, qui peut tirer très légèrement sur un bleu vert lorsqu'on le regarde à la lumière et qui va faire la saveur, j'allais dire, la saveur visuelle des productions de la manufacture. Alors, on l'a ourlé d'or, cette petite tasse. Ensuite, on va la colorer, on va la décorer, bien entendu, avec ces peintres qui sont de véritables artistes, ces peintres décorateurs qui sont attachés à la manufacture et dont chacun va se spécialiser, qui dans les fleurs ou les fruits ou les oiseaux, les arabesques, etc., les portraits, pour produire finalement de véritables merveilles. Je reprends la lecture de Bleu de Sèvres. Les peintres, les doreurs, les brunisseurs s'entassaient à plus de 50 sous les toits. Il y avait là fabricants mélangeant et broyant leurs couleurs, dosant leurs essences selon leur spécialité, des peintres de figures, des peintres de pièces d'usage, des fleuristes, eux-mêmes distingués en peintres de fleurs naturelles ou de fleurs de caprice, et à côté d'eux, des batteurs d'or ou des doreurs, dirigés par un moine, le frère Hippolyte, ainsi que des brunisseurs et des useurs de grains chargés de poncer à l'agate ou à l'hématite, les décors métalliques. Il faut le concours d'un nombre d'artistes impressionnants et il faut que chacune de ces opérations s'accomplisse dans la plus grande excellence pour obtenir finalement ce petit objet si facile à casser. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire de la porcelaine. Lorsque vous voyez l'artiste qui décore tous ces objets en porcelaine de Sèvres, vous le voyez travailler comme n'importe quel peintre en quelque sorte. Attention, un peintre miniaturiste, il travaille avec un pinceau extrêmement fin, tout est filé, qu'il mouille de temps à autre. Je dis il, très souvent ce sont des dames d'ailleurs qui font ce travail, qu'elles mouillent de temps à autre dans un godet sur une toute petite palette. Ce qui est extraordinaire et ce qui fait la force de l'art de ces peintres-là, c'est que l'artiste ne peut ni effacer ni recouvrir. Pas question évidemment, lorsqu'un trait est fait sur la porcelaine, il est définitif. Vous ne pourrez pas l'enlever et vous ne pourrez jamais le recouvrir par quoi que ce soit d'autre. C'est un art précis, immédiat, sans retouche. Un art de l'immédiateté tout à fait extraordinaire. Et ensuite, il faut le peindre, ce décor, bien entendu, ce qui va permettre de révéler vraiment les couleurs, de leur donner leur éclat, leur profondeur, leur incroyable subtilité, ce qui va les faire chanter, comme disent les spécialistes. Et chaque tasse de Sèvres, puisque j'ai pris l'exemple d'une tasse, peut être suivie en quelque sorte. On peut reconstituer son histoire grâce à la fameuse marque qui figure sous la tasse, bien entendu. Chaque tasse sortie de Sèvres porte cette marque de façon indélébile. On a la date à laquelle elle a été façonnée, la date à laquelle elle a été décorée et puis la marque spéciale du peintre et du doreur. Regardons là cette marque. D'abord, vous avez les deux L entrelacées. Ça, c'est le monogramme du roi, le Louis, tout simplement, surmonté parfois d'une petite couronne. En fait, il y a la petite couronne pour toutes les pièces qui ont été réalisées avant la Révolution. C'est donc très important de regarder ça. Évidemment, par la suite, on a modifié ce système sous la République. L'inscription est composée de deux lettres RF pour République française et puis Sèvres en toutes lettres. Et une nouvelle marque se trouve au revers de la tasse et de la soucoupe. À l'époque de l'Empire, on avait l'aigle impérial, bien entendu. La marque des petites tasses et des soucoupes va évoluer en fonction du temps et ceux qui collectionnent ces objets savent exactement à quoi ils ont affaire et ils savent se repérer en regardant d'un coup d'œil la marque sous un objet de Sèvres. Ils peuvent presque vous en raconter l'histoire. La marque actuelle, elle a été réalisée par le peintre Georges Mathieu qui l'a dessinée dans les années 1970, à une époque d'ailleurs où il a réalisé un certain nombre de décors pour Sèvres. Elle a sans doute été inspirée de la première marque de Louis XV avec les deux L entrelacées, qui en fait maintenant semblent plutôt représenter les deux S de Sèvres. Ces marques de fabrication sous l'émail, ces marques de décoration, elles sont faites en revanche sur l'émail. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les marques concernant la fabrication même de l'objet sont faites tout de suite et donc elles sont recouvertes par l'émail. Et les marques qui, elles, ont un rapport avec les peintres et les doreurs sont faites par-dessus l'émail, bien entendu. Il faut bien être conscient que l'on fabrique ces petits objets, qu'on les met parfois en stock. Une tasse peut rester blanche pendant un an, pendant deux ans, à certaines époques de l'histoire, pendant plusieurs années, avant d'être livrée aux décorateurs et aux doreurs, qui ensuite vont donc ajouter eux-mêmes leur propre marque. Donc, en quelque sorte, en observant ces objets en filigrane, c'est toute l'histoire de l'art qui apparaît, c'est toute l'histoire en tout cas d'un artisanat d'excellence. Il faut noter que le XVIIIe siècle, et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, le XVIIIe siècle a bien été le siècle de la tasse. Ça a été le triomphe de la tasse. Dans certains inventaires, vous en trouvez plusieurs dizaines. Dans l'inventaire du duc de Lorraine, du duc Charles de Lorraine, on en trouvait 960. Et il faut savoir que lors des premières ventes qu'elle organise à Versailles, Madame de Pompadour les vend par douzaines. Or, ces tasses valent évidemment des fortunes, l'équivalent à peu près d'un millier d'euros d'aujourd'hui. On a les registres des grands marchands parisiens. On se rend compte qu'une tasse bleu céleste à guirlande vaut 40 livres. Si vous pensez qu'une livre vaut entre 15 et 20 euros d'aujourd'hui, vous voyez à peu près ce que ça représente. 96 livres pour une tasse avec un ruban couleur de rose. 48 livres seulement pour des tasses avec des oiseaux. Ce qui est très étonnant, c'est qu'évidemment, tous ces objets qui valaient une fortune de leur temps valent une fortune d'autant plus grande maintenant qu'avec les décennies et avec les siècles, certains se sont cassés, bien entendu. Pour obtenir aujourd'hui un service de Sèvres complet, il faut compter sur beaucoup de chance et il faut surtout avoir beaucoup d'argent, car bien entendu, les grands collectionneurs dans le monde se disputent les dernières très grandes pièces de l'époque héroïque. Bonjour Jean-Paul Desprats, vous êtes l'auteur de Bleu de Sèvres et vous connaissez très bien toute cette histoire de la porcelaine. Avec vous dans un instant, nous y revenons. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Thank you. sur Europe 1 avec un extrait de la Symphonie Fantastique. C'est l'histoire de la porcelaine qui est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Jean-Paul Desprats, historien et romancier, auteur du roman Bleu de Sèvres, réédité chez Point. Alors avec vous, Jean-Paul Desprats, on va revenir sur l'origine de cette porcelaine qui, disons-le, a totalement modifié, transformé la conception même qu'on se faisait du luxe. Je disais à l'instant, ça coûtait très cher. D'une manière générale, c'était presque un trésor que d'avoir chez soi de la porcelaine à la fin du XVIIIe siècle. C'était une valeur à la fois pour les princes qui estimaient que c'était un des éléments de leur autorité et c'était pour les particuliers quelque chose d'extraordinaire parce que abordable, disons-le. Ça coûtait très très cher. Une tasse valait l'équivalent de 1000 euros quoi, environ. Exactement. Et il y avait, elle avait une double utilité. C'était la splendeur de l'objet lui-même et en même temps dans les fêtes nocturnes à cause des glacis magnifiques qu'il y avait sur ces porcelaines, la réflexion de la lumière. Et Madame de Pompadour, par exemple, savait parfaitement en jouer puisque elle disait, elle rajoutait des porcelaines dans tous les salons où il y avait des luminaires en disant que c'était, ça doublait cet éclat. C'était un instrument d'éclat, exactement. Ouais. Alors, l'origine de cette porcelaine reste assez mystérieuse en fait. On ne sait pas en Occident la fabriquer. À partir de quand est-ce qu'on s'y intéresse vraiment et à partir de quand est-ce qu'on voudrait faire de la porcelaine ? Alors c'est un des plus grands mystères de l'art européen. La première description est contemporaine de Saint-Louis, c'est Marco Polo qui décrit il est allé en Chine, il a vu cette porcelaine qui existe en Chine depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est assez extraordinaire. Et les premières arrivées de porcelaine, c'est début du 15e siècle, le cadeau du sultan de Bagdad à Charles VII vers 1420, une vingtaine de pièces. Et alors au départ, il y a une interrogation parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est sculpté comme du porphyre du marbre, et on repère des traces de doigts. Et on se dit, c'est façonné. Et le mystère devient de plus en plus dense et important. On n'imagine pas ce qu'a dû être le regard des contemporains de Charles VII lorsque, pour la première fois, ils se sont trouvés en présence de ce matériau totalement nouveau, si léger, si dur, si éclatant, si translucide. Tout ça paraissait inouï. Ce qu'on avait à l'époque en Occident, c'était évidemment des poteries grossières, du verre tout de même, beaucoup de métal et la plupart des récipients, des gobelets, etc. étaient en métal, voire en métal précieux bien sûr, et puis du cristal de roche, de l'albâtre, de l'onyx, un certain nombre de pierres qu'on était capable de façonner pour les rendre le plus fines possible. Mais évidemment, de porcelaine, de faïence, point. On n'avait rien de tout ça. Donc ça devait être une totale révolution. On devait regarder ça comme des objets venus d'une autre planète, en quelque sorte. Exactement. Et puis les caractéristiques, c'était aussi le côté cristallin qui sonnait comme une cloche et puis qui résistait à la chaleur. C'est-à-dire qu'aucun autre, on s'est aperçu très très vite qu'on pouvait faire cuire dans ces pots de porcelaine qui venaient de Chine et qui sont arrivés après au XVIe siècle et au XVIIe siècle par les compagnies des Indes. Donc on a essayé de l'imiter. Et ça va être... Au moment où on comprend que c'est façonné, on essaie de le façonner à son tour. Voilà. Mais on ne va faire que ce qu'on appelle des porcelaines tendres ou des porcelaines artificielles, au moins jusqu'en 1709 en Europe. Et on va très bien l'imiter. On va en imiter, mais on n'aura pas le côté cristallin, le côté translucide et la résistance à la chaleur. Quand on tape dessus avec l'ongle, il n'y a pas cette jolie sonorité, notamment, bien entendu. Exactement. Et ça sera toujours, on pourra toujours faire la comparaison, puisque ne cesseront pas d'arriver des porcelaines de Chine par les compagnies des Indes. Ce qui, du reste, jouera un rôle non négligeable dans le développement de ces compagnies commerciales qui sont chargées d'approvisionner l'Occident de beaux produits orientaux et notamment en porcelaine. Alors, pourquoi avez-vous cité cette date de 1709 en particulier ? Parce que jusque-là, donc depuis 1570, on a su à Florence, avec un homme bien nommé Buontalenti, imiter la porcelaine, imiter le glacis, imiter l'aspect extérieur. Mais on ne comprenait pas quel était le mystère de la porcelaine. Alors, ce sont les jésuites qui vont commencer à parler d'un matériau mystérieux, le kaolin. Mais on ne sait pas ce que c'est que le kaolin. Les jésuites qui étaient missionnaires, qui eux-mêmes travaillaient en Extrême-Orient. Oui. Voilà, les jésuites qui voyagent en Chine, qui essaient de convertir la Chine. Donc il y a un fameux père d'Entrecolles qui va donner en 1712 la première description du kaolin, mais trois ans auparavant, était arrivé un miracle qui en Saxe, avec en plus un personnage extraordinaire, Frédéric Bodger, qui est un jeune homme, parce qu'il a 25 ans, au moment où il va découvrir la véritable porcelaine, la porcelaine naturelle, un jeune homme assez bizarre, qui est épileptique, à moitié fou, neurasthénique, et un peu illuminé, qui vit sous la terreur d'un personnage terrible à l'époque, qui est Auguste II, dit le Fort, qui est le roi de Pologne. Qui va faire d'ailleurs cette chose absolument incroyable d'être électeur de Saxe, la province la plus luthérienne de l'Empire allemand, et qui va se convertir au catholicisme pour devenir roi de Pologne. C'est l'homme aux 343 bâtards, dont le plus célèbre est le maréchal de Saxe. Et donc son obsession, parce qu'il était le principal producteur d'argent, 40% de l'argent européen venait des montagnes de Saxe. Son obsession était, pour devenir encore plus riche, de transformer cet argent en or. Et il était persuadé qu'en chauffant à des températures inouïes, l'argent, on le transformerait en or. Tout le monde travaillait. Il avait du côté alchimiste, voilà, chez ces personnes. Côté arcaniste, oui, c'était l'alchimie de trouver. Et Frédéric Bodger travaillait aussi, mais c'était dans des conditions menaçantes parce que c'était les gens étaient enfermés. D'ailleurs, ça va être terrible pour Frédéric Bodger quand il aura vraiment trouvé le secret. Et le problème qu'on avait était le problème du creuset. Le creuset dans lequel on faisait chauffer cet argent était tout le temps en train de se fendre. Et montait des taux de température trop élevés. Voilà. Et alors, la légende prétend, mais moi j'abonde assez dans le sens de cette légende, que le pauvre Bodger voyait ses creusets toujours se fendre et que un jour on lui porte une poudre différente qu'on appelle poudre de Saint-André, et c'était un certain von Caronsald qui était un fonctionnaire de la cour de Dresde, à qui on avait donné une perruque un peu plus lourde que d'habitude. Au lieu d'être avec de la farine finement veloutée, elle était avec une nouvelle poudre. Le perruquier avait triché. Et alors, poudrait les perruques, voilà, pour éviter qu'elles ne se collent avec les blé très très fin, de la farine très très fine. Et donc le perruquier avait triché, on le voyait au poids de la perruque, et Bodger, qui était à bout de ressources, dit je vais employer cette poudre de Saint-André pour fabriquer mon nouveau creuset. Et alors évidemment, il a chauffé son creuset, il n'a pas transformé l'argent en or, mais il a transformé son creuset en porcelaine, parce que cette poudre était du kaolin. C'est la première fois qu'on fabriquait involontairement, voilà, en Occident, de la porcelaine. Est-ce qu'il a été capable de reproduire cette expérience, c'est ça ? Bien sûr, puisque les mines étaient à 40 km de Dresde, les mines d'Ahe, et on va très vite s'apercevoir qu'on a découvert la porcelaine. On va tout de suite fabriquer des objets extrêmement fins, translucides, carillonnants, qui seront l'égal des objets de Chine. Ce qui va donner aux pays germaniques un petit avantage dans ce domaine. Les premières porcelaines, c'est de là qu'elles viennent. Les premières porcelaines viennent de Meissen. Meissen, j'invite les auditeurs à aller voir cet endroit qui est absolument magnifique. Voilà, c'est à 30 km de Dresde, sur l'Elbe, et il y a une forteresse qui s'appelle l'Albrechtsburg, où va se développer dans cet Albrechtsburg, et où le pauvre Bodger va être fait prisonnier pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'on lui interdit de se marier, on lui permet d'aller voir des dames dans des maisons un peu recommandables de Dresde, mais flanquées de 4 soldats, pour pas que le secret soit divulgué. Parce que c'est un secret, voilà, d'État d'une importance économique considérable, on l'aura compris quand on sait ce que pouvaient coûter ces objets venant d'Extrême-Orient, et là on était capable de les fabriquer. Ça allait donner à son souverain un avantage considérable. Pas pour très longtemps néanmoins. Alors le secret va néanmoins être assez longtemps conservé. C'est le prodige, parce que les peines qui étaient édictées contre ceux qui divulgueraient le secret pouvaient aller jusqu'à la mort. Et donc le secret va rester à Meissen. Le pauvre Bodger va en mourir avant 30 ans d'ailleurs, dans les conditions dans lesquelles on le fait travailler. Il va être nommé directeur de la manufacture qui est créée 3 ans plus tard en 1712 et qui existe toujours. Et cette manufacture, avec les goûts tout à fait somptueux d'Auguste Lefort, va se mettre à fabriquer des objets énormes. On va fabriquer des statues équestres en porcelaine qui ont disparu maintenant, mais les auditeurs pourront voir dans le Zwinger de Dresde, par exemple, le Glockenspiel, qui est encore le carillon de porcelaine qui est toujours en place. Donc on fait des pièces extrêmement importantes en arrivant à conserver le secret. Et malgré tout, le secret va fuiter. Il va fuiter d'abord à Vienne avec un protestant français, Dupaquier, et il va fuiter ensuite vers Strasbourg. Vers Strasbourg, donc vers la France. Nous arrivons à la porcelaine française dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. C'est la porcelaine qui est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Jean-Paul Desprats, historien et romancier, auteur du roman Bleu de Sèvres, réédité chez Point. Alors Jean-Paul Desprats, j'ai raconté en quelque sorte les balbutiements, les débuts de cette manufacture de Sèvres, mais ça n'a pas commencé comme ça. On en est pour l'instant au premier secret qui fuite via Strasbourg pour essayer d'apprendre aux Français comment on fait de la porcelaine. Exactement. Et les Français avaient développé des manufactures magnifiques, mais qui étaient des manufactures de porcelaine tendre, de porcelaine artificielle. Et les Français là avaient pris une avance technique et surtout esthétique absolument remarquable. Alors, les premières manufactures françaises, c'est Rouen, sous Louis XIII, mais ensuite très très vite les princes, parce que comme nous le disions tout à l'heure, c'est un apanage des princes que de fabriquer ce matériau absolument extraordinaire. Chaque prince veut sa propre petite manufacture, évidemment, voilà, ou grande alors, du reste. Alors la première grande de ces petites manufactures, ça sera celle de Monsieur, frère de Louis XIV à Saint-Cloud, avec des ornemanistes absolument extraordinaires dans le style des grands ornemanistes de l'époque Louis XIV qui est Bérin. Une porcelaine jaunâtre, on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est toujours porcelaine donc tendre, hein, qui ne résiste pas à la chaleur, mais qui est jaunâtre. Et alors les grands, ce sont des faïences. Ce sont des faïences qui ont l'aspect de la porcelaine. C'est ça, voilà. Et les grands progrès vont être faits chez les princes de Condé à Chantilly. Et alors là, le grand progrès résulte aussi d'une erreur, comme pour notre Bodger, c'est que quand on va traduire le mémoire du père d'Entrecolle, dont je parlais tout à l'heure, on va traduire Kaolin par Alain. Et l'alun était connu depuis très longtemps, depuis les Romains, il servait à décatir les draps. On va s'en servir dans la frite. La frite, c'est le mélange qui sert à fabriquer ces objets. Et on va obtenir une blancheur absolument extraordinaire. Ça, c'est le grand apport de Chantilly, de même que la décoration. Ce sont des hasards et des erreurs qui, une fois de plus, ont abouti à la redécouverte, en tout cas à la découverte occidentale des secrets de la porcelaine orientale. Alors, le secret qui est arrivé via Strasbourg, qui s'en empare. C'est ce qu'il faut raconter, ça. Alors, nous passons à une autre manufacture qui est la manufacture de Vincennes. Alors, la manufacture de Vincennes est une manufacture où vont régner d'abord deux personnages très hauts en couleur, les frères Dubois, qui sont tous les deux des alcooliques, qui travaillent dans la tour du diable à Vincennes. Et cette manufacture va faire des objets magnifiques. Les deux directeurs successifs vont se ruiner, parce qu'on se ruinait aussi. Et les princes... D'ailleurs, Auguste II disait, cette porcelaine qui m'est si précieuse, c'est ma cuvette à hémorragie. Donc ça voulait dire que c'était prestigieux, mais on ne gagnait pas d'argent avec la porcelaine. Et c'est ce qui va arriver, puisque en 1745 arrive Madame de Pompadour. Et Madame de Pompadour va tout de suite se passionner pour la manufacture de Vincennes. Madame de Pompadour, d'une manière générale, se passionne pour tout ce qu'il y a de plus brillant, de plus extraordinaire et de plus nouveau dans son siècle. C'est le cas en matière d'étoffe, en matière de mobilier, de bronze, de marqueterie, bien entendu, de bijoux et donc de porcelaine. Ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche, ce sont des porcelaines telles qu'on n'en a jamais vues. Et notamment, elle aime les fleurs au naturel. Racontez-nous ça. Madame de Pompadour fixe le goût de son siècle. Les frères de Goncourt l'ont très bien montré quand ils ont été les premiers à parler de la Vénusta, celle qui a vraiment fixé le goût de la France et donc de l'Europe. Et alors, elle a une passion, elle dessine elle-même, elle va proposer certaines pièces, comme par exemple la marronnière. Elle aimait les marrons glacés et elle se mettait du sucre sur les doigts, voilà, oui. Avec le marron glacé. Donc elle va inventer une espèce de soupière avec des ouvertures sur le côté, où le sucre va s'écouler naturellement. Et elle va aussi développer cette fleurisserie dont vous venez de parler, qui est effectivement les fleurs de porcelaine. Alors, la marquise de Pompadour ne va pas connaître encore la porcelaine dure, la porcelaine naturelle, parce que elle va mourir en 1764 et que les premières pièces de porcelaine dure seront montrées à Louis XV en 1769. Voilà, oui. 5 ans plus tard. Mais elle met tout en place pour que ça arrive. C'est ça qui est terrible, c'est presque le paradoxe et l'ironie de cette histoire, c'est que le plus grand amateur de porcelaine, cette Madame de Pompadour qui en avait fait quasiment une obsession, ne verra pas la vraie porcelaine advenir. Ça, voilà. C'est terrible. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va acheter le secret. C'est ça qui est très intéressant. Nous avons parlé de Strasbourg tout à l'heure. Et à Strasbourg règne une famille très haute en couleur, les Hanong. Alors, les Hanong étaient des fabricants de pipes de terre au départ. Ils avaient une fabrique à Haguenau. Et ensuite, ils sont passés à Strasbourg où ils ont fait une très jolie porcelaine tendre qu'on peut voir actuellement, par exemple, au Palais Rohan à Strasbourg. Magnifique, avec des couleurs vertes, des glacis absolument superbes. Donc, encore une fois, une faïence très fine qui s'approche de, par son aspect de la porcelaine, mais qui n'est pas de la porcelaine. Et ils vont réaliser, en achetant le secret à des transfuges de Vienne, qui viennent travailler dans leurs ateliers, ils vont réaliser la première pièce de porcelaine naturelle, de porcelaine dure, qui va être réalisée en France, sera réalisée à Strasbourg. C'est une statue de Flore qui sera réalisée par Paul Hanong, le père des deux frères Hanong qui ensuite vont se disputer pour savoir comment monnayer le secret. Et alors ça va tout de suite exciter la jalousie de la manufacture de Vincennes. Quoi ? On arrive à Strasbourg, c'est une manufacture qui n'est pas... Parce que entre-temps, en 1745, Madame de Pompadour a fait mettre à Louis XV de l'argent. Et en deux opérations, en 1760, Louis XV, ça sera la première nationalisation totale à 100% d'une manufacture, parce que ça n'avait pas été le cas de Saint-Gobain. Louis XV deviendra le patron. C'est donc une manufacture nationale. Saint-Gobain, les Gobelins, etc. Voilà. étaient des manufactures sur lesquelles l'État avait une participation. Mais voilà. Là, il est carrément propriétaire. Voilà, c'est 100%. C'est la nationalisation à 100%. Et donc, on progresse vers le secret, puisqu'on l'a acheté, et on ne supporte pas qu'à Strasbourg, on puisse... Donc, on va interdire aux Hanong de fabriquer de la porcelaine dure à Strasbourg, et ils vont devoir partir dans l'Empire, à Frankenthal. Et... malgré tout, comme ils sont les détenteurs du secret, c'est à eux qu'on va s'adresser pour acheter ce secret qui va être acheté en 1763 à l'un des deux fils de Paul Hanong et qui va être acheté malheureusement pour une bouchée de pain. Alors, on est là évidemment au balbutiement de cette manufacture qui devient la manufacture de Sèvres. Elle s'est installée à Sèvres 1756. En 1756. Donc, c'est Madame de Pompadour qui a rapatrié la manufacture de Vincennes à Sèvres. On se met à fabriquer de la vraie porcelaine, c'est ce que je racontais tout à l'heure, avec toutes ces réalisations toutes plus extraordinaires les unes que les autres, avec aussi l'invention du biscuit, hein, qui va être en quelque sorte la quintessence même de cet art. Alors le biscuit était déjà dans la porcelaine tendre, puisque c'est la première cuisson qu'on appelle de dégourdier, c'est simplement, il n'est pas... contrairement à son nom, il n'est pas cuit deux fois, biscuit, il est cuit une fois. Oui, c'est l'inverse. Et ensuite, il est poncé pour lui donner. Alors ça, c'est les grands moments de Vincennes et des premiers moments de Sèvres avec Madame de Pompadour. Alors à partir de 1756, Madame de Pompadour construit Sèvres en bas de son château de Bellevue. Il lui faut 5 minutes pour descendre la petite route en lacet qui conduit à sa manufacture. Et les premiers biscuits vont être l'œuvre du grand sculpteur Falconet sur des sujets, sur des peintures de Boucher. Oui, c'est-à-dire donc Falconet ces... Boucher, on est là dans, voilà. Chez les fournisseurs immédiats de Madame de Pompadour. Les artistes de Bellevue. Évidemment. Voilà. Et c'est la mode des bergeries. Donc ça sera le vendeur de gamblettes, la laitière, toutes ces petites bergeries qui sont dans l'esprit du temps. Alors j'ai dit tout à l'heure à quel point ce goût s'était perpétué pendant tout le XVIIIe siècle, était devenu, les porcelaines de Sèvres deviennent les cadeaux entre souverains, en quelque sorte. Hein. On est là dans ce qui peut se faire de plus luxueux dans ce temps. Arrive la Révolution, on survit à la Révolution. Pas très bien, néanmoins. C'est difficile. Oui, l'arrivée de la Révolution, d'abord, il y a un changement du goût sous Marie-Antoinette. Hein, c'est le goût néoclassique qui l'emporte. Et effectivement, la Révolution est une catastrophe. La Révolution est une catastrophe parce que plus personne ne veut acheter ces matériaux et ces objets qui coûtent extrêmement cher, comme on l'a dit tout à l'heure. On risque même de se faire guillotiner si on achète de la porcelaine. C'est un signe d'aristocratie. Bien sûr, voilà. Oui. Et en plus, la manufacture tombe aux mains d'un personnage qui s'appelle Chenoux, qui est un ancien cuiseur, tout simplement cuiseur de... et qui n'a aucune compétence. Et très curieusement, la manufacture va être sauvée, alors qu'elle était dans une déliquescence absolue. Au lieu de 200 personnes, il devait y avoir une trentaine de personnes en 1795. La manufacture va être sauvée par le paiement que Catherine II, un an avant sa mort, en 1795, va faire d'un service de 880 pièces qui se trouve encore à Saint-Pétersbourg. Autant dire une immense fortune. Voilà. Et tout d'un coup, cet argent va arriver. Elle va s'assurer que Robespierre est tombé avant. Et cet argent va arriver à Sèvres à point nommé. Il y aura encore par la suite, au moment de la Restauration, sous le Second Empire, à la fin même du XIXe siècle, de grandes périodes de cette manufacture de Sèvres. Nous étions allés sur place faire une émission à laquelle vous participiez. Rappelez-vous, c'était il y a 8 ans déjà. Et on avait raconté toute cette transformation et tous ces changements de la manufacture qui aujourd'hui encore reste une référence dans le monde du luxe international. Oui, parce que très peu de choses ont changé à Sèvres. Uniquement la cuisson, qui était une cuisson extrêmement compliquée, qui était une cuisson pour atteindre. Il faut atteindre 1380 degrés hein, pour faire une porcelaine dure. Et donc, c'était des températures extrêmement difficiles à atteindre. Eh bien, c'était le miracle de Sèvres. Il y avait des gens qui savaient faire ça en faisant tomber toutes les 20 secondes à la gueule du four des bûchettes calibrées de bouleaux et avec un mouvement métronomique, mais il fallait le faire pendant des heures. Et on arrivait à atteindre ces 1380 degrés. Bon, maintenant, c'est le gaz, mais tous les autres gestes de Sèvres, si vous visitez Sèvres, les journées du patrimoine, tout comme ça resté, nous est arrivé, oui. Tout est resté. Le geste est extraordinairement immuable. Pour revivre cette épopée, je renvoie nos auditeurs à votre trilogie qui a été rééditée en édition de poche, chez Au Point Seuil. Ça s'appelle Bleu de Sèvres, le volume qui nous intéresse. Et les deux autres, c'est Jaune de Naples et Rouge de Paris, sous la plume très raffinée de porcelaine de Jean-Paul Desprats. Merci beaucoup de nous avoir fait rêver. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Laurent. Il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1 et il aimerait savoir d'où vient l'expression « l'an de grâce ». Ce qu'on appelle l'an de grâce, quand on dit l'an de grâce 1756, c'est simplement pour désigner l'ère chrétienne. Les années de grâce sont celles qui succèdent à la naissance du Christ. Alors, pendant très longtemps, on a associé cette locution à l'Apocalypse qui était prévue dans le Nouveau Testament pour l'an 1000. Cette date marquant la fin du règne de 1000 ans du Christ et des martyrs, selon les Écritures, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, dit l'Écriture. Alors, passer cette date chaque année, si vous voulez, était considéré au-delà de l'an 1000 comme un sursis, c'était une grâce, c'était un an de grâce. Alors, on a longtemps pensé qu'on s'était mis à parler d'an de grâce à partir de là, dès les années 1000 et quelques. Et puis, il s'avère, lorsqu'on y regarde de plus près, que l'expression n'est véritablement attestée que depuis le XIVe siècle. C'est-à-dire qu'avant le XIVe siècle, il n'est pas question, dans aucun texte, dans aucun écrit d'aucune sorte, il n'est pas question de cette expression « l'an de grâce ». Du reste, ça nous ramène ça à la très bizarre analyse qu'on a longtemps faite de l'an 1000. Vous savez, on parlait des terreurs de l'an 1000. Les historiens du 18e et du 19e siècle en ont fait des tonnes sur ce sujet. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu beaucoup moins de terreurs qu'on ne le dit en vérité autour de l'an 1000. Alors, cette expression, d'une manière plus générale, cette expression « l'an de grâce » désigne les années de l'ère de l'incarnation, c'est-à-dire les années qui suivent la naissance de Jésus-Christ. Si vous avez notamment en latin, vous voyez souvent Anno Domini, en l'année du Seigneur, qui est abrégé par AD dans la plupart des textes, ça a exactement le même sens que cette formule en l'an de grâce.